Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 7. De la grâce du Christ considéré comme individu. Le Christ, comme homme, a eu la grâce habituelle, et toutes les vertus. Il n'a eu, à proprement parler, ni la foi ni l'espérance, mais il a eu les dons du Saint-Esprit, la crainte filiale, les grâces gratuitement données, et généralement la plénitude de la grâce, conséquence de ces vérités. 1. Y a-t-il eu dans l'âme du Christ une grâce habituelle? Il était écrit, « L'Esprit du Seigneur se reposera sur lui », Isaïe 11, 2. L'âme du Christ a eu une grâce habituelle. Cela ressort, premièrement, de son union avec le Verbe de Dieu, secondement, de la noblesse d'une telle âme, dont les opérations devaient toucher à Dieu de si près, et qui pour cela avait besoin d'être élevée par la grâce. Troisièmement, de l'office de médiateur que remplit le Christ à notre égard, et pour lequel une grâce prête à se répandre sur tous les hommes était nécessaire, comme l'indique ce mot de saint Jean, « Nous avons tous reçu de sa plénitude » Jean 1, 16. Note. La grâce habituelle était nécessaire au Christ pour ses opérations humaines. L'humanité ne ressemblait pas en lui à un instrument inanimé que la divinité seule aurait fait mouvoir, et qui, sans agir, aurait été seulement poussé. Animée par une âme raisonnable, elle était un instrument conduit de telle manière qu'elle agissait aussi elle-même. Pour une telle opération, il lui fallait la grâce habituelle. Fin de la note. 2. Le Christ a-t-il toutes les vertus? Le Christ a possédé la plénitude de la grâce, il a eu conséquemment toutes les vertus. 3. Le Christ a-t-il la foi? La foi, dit saint Paul, est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Nous prouverons bientôt que le Christ, dès le premier instant de sa conception, a vu Dieu pleinement dans son essence. Il n'a donc pas pu avoir la foi, vertu théologale. 4. Le Christ a-t-il l'espérance? Le Christ n'a pas eu l'espérance. Comment espérer ce que l'on voit? Romains 8, 24. De ce qu'il a espéré certains biens qu'il ne possédait pas encore pleinement, parce qu'il n'entrait pas dans sa perfection présente, par exemple l'immortalité et la glorification de son corps, il ne s'ensuit nullement qu'il a eu la vertu théologale de l'espérance. 5. Le Christ avait-il les dons? Les dons sont certaines perfections qui disposent les puissances de notre âme à recevoir l'impulsion du Saint-Esprit. Or l'âme du Christ recevait d'une manière très parfaite cette impulsion, comme on le voit par ses paroles, Jésus, rempli du Saint-Esprit, s'éloigna du Jourdain et vint dans le désert, où il fut conduit par l'Esprit. Conséquemment le Christ possédait les dons avec suréminence. Note. Quelqu'un dira, le Christ a eu les vertus dans leur perfection, il n'a pas eu besoin des dons. Le Christ a eu les vertus dans leur perfection, mais, si grandes que soient les vertus, qui donnent aux facultés de l'âme la perfection nécessaire pour suivre la raison, elles doivent encore avoir pour auxiliaire les dons eux-mêmes, desquels notre âme et ses facultés reçoivent l'aptitude à se laisser mouvoir par les impulsions du Saint-Esprit. Fin de la note. 6. Le Christ a-t-il le don de crainte? Le Christ a eu la crainte de Dieu, mais elle n'était autre en lui que ce sentiment respectueux par lequel son âme se portait vers la divinité. Il ne craignait ni d'être séparé de Dieu, ni d'encourir quelque punition. Il fut exaucé en toutes choses pour son respect, comme parle saint Paul, Hébreux 5, 7. Voilà en quel sens on doit entendre ces paroles d'Isaïe 11, 3, l'esprit de la crainte du Seigneur le remplira. Note. Il n'a pas eu la crainte servile, qui regarde la peine et que la charité parfaite détruit. Fin de la note. 7. Le Christ a-t-il eu les grâces gratuites? Les grâces gratuites sont accordées pour servir à l'établissement de la foi et à l'enseignement spirituel. Il faut que celui qui enseigne ait le moyen de prouver la vérité de sa doctrine, autrement sa science serait inutile. Or le Christ est le premier et le principal docteur de l'enseignement spirituel et de la foi, car saint Paul dit, la parole du salut, annoncée d'abord par le Seigneur, nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendue, Dieu appuyant leur témoignage par des miracles et des prodiges. Hébreux 2:3. Il suit de là que le Christ, comme premier et principal docteur de la foi, a eu suréminemment toutes les grâces gratuitement données. Note. Il n'a pas parlé, dira-t-on, toutes les langues. Nous l'avouons, est-ce une preuve que la connaissance de toutes les langues lui était étrangère? Non. Nous verrons plus tard qu'il connaissait le secret des cœurs, que l'on manifeste par une parole quelle qu'elle soit. Fin de la note. 8. Le Christ a-t-il le don de prophétie? Nous trouvons dans l'Écriture cette prédiction qui le concerne. Dieu vous suscitera un prophète du milieu de vos frères. Deutéronome 18, 15. Il a dit, en parlant de lui-même, un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Jean 4, 44. Il a donc eu le don de prophétie. Un prophète est un homme qui, ici-bas, connaît et annonce aux autres des choses qui sont loin de leur connaissance. Or, avant sa passion, le Christ participait à notre condition comme voyageur, quoiqu'il jouît de la claire vision, comme il connaissait et annonçait des choses dont les autres hommes ne pouvaient avoir la connaissance. On doit lui attribuer le don de prophétie. 9. Le Christ avait-il la plénitude de la grâce? Il y a deux sortes de plénitude, la plénitude d'intensité et celle de puissance. Le Christ, dont il est écrit, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité, Jean 1, 14, a eu cette double plénitude de grâce. Il a eu d'abord la plénitude d'intensité de la manière la plus parfaite. Ce qui le prouve, c'est, en premier lieu, l'union étroite de son âme avec la source même de la grâce, c'est, en second lieu, la mission qu'il avait de répandre la grâce sur les autres hommes. Il a eu ensuite la plénitude de la grâce sous le rapport de la puissance, il en pouvait manifester toutes les opérations et en réaliser tous les effets. 10. La plénitude de la grâce est-elle exclusivement propre au Christ? Il est écrit, nous l'avons vu, comme Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. La grâce est dans sa plénitude d'une double manière, absolument, ou relativement à son sujet. Elle est absolument dans sa plénitude, lorsqu'elle est à son plus haut degré, et quant à son essence, et quant à sa puissance. La plénitude de la grâce, ainsi comprise, est propre au Christ, il l'a eu aussi excellemment que possible et dans sa plus grande étendue par rapport à tous ses effets. La grâce est dans sa plénitude relativement à son sujet, lorsqu'elle le remplit pleinement selon sa condition, soit par son intensité, qui atteint la limite que Dieu a fixée pour lui, conformément à cette parole. La grâce a été donnée à chacun de nous dans la mesure du don du Christ, Éphésiens 4, 7, soit même quant à sa puissance, dans le sens qu'elle lui donne la faculté d'accomplir tout ce qui est de son ministère ou de son état, comme le marque cette autre parole de l'apôtre, à moi, le plus petit de tous les saints, a été donné la grâce d'éclairer tous les hommes, Éphésiens 3:8. Cette dernière plénitude de la grâce n'est pas exclusivement propre au Christ, les autres êtres la reçoivent par voie de communication. Note. Ce mot de l'ange à la Sainte Vierge, « Je vous salue, pleine de grâce », ne doit pas être entendu de la grâce absolue, car la Sainte Vierge n'a pas possédé la grâce au degré le plus élevé possible, ni de telle sorte qu'elle en produisit tous les effets. Elle est appelée pleine de grâce par rapport à elle-même, en ce sens qu'elle avait une grâce suffisante pour devenir la mère du Fils unique de Dieu. Fin de la note. 11. La grâce du Christ est-elle infinie? La grâce de l'union, que le Verbe a accordé gratuitement à la nature humaine en se l'unissant personnellement, est infinie comme sa personne même. La grâce habituelle, créée dans l'âme du Christ, ne saurait être infinie, elle n'excède pas son sujet. Si parfois on l'appelle infinie, c'est dans le sens qu'elle renferme essentiellement toute grâce et qu'elle a été accordée sans mesure à l'âme du Christ, comme au principe universel dont les hommes la reçoivent, selon cette parole. Il nous a donné la grâce dans son Fils bien-aimé, Éphésiens 1, 6. 12. La grâce du Christ pouvait-elle s'accroître? On ne peut pas concevoir une union plus étroite de la créature avec Dieu que celle qui se fait en une seule personne. Donc la grâce du Christ atteignait son extrême mesure, donc encore elle n'était pas susceptible d'accroissement. Du côté de l'âme où elle était reçue, elle ne pouvait pas non plus augmenter. Le Christ, comme homme, jouissait véritablement et pleinement de la claire vue de l'essence divine dès le premier instant de sa conception. C'est pourquoi, comme les autres bienheureux arrivés au terme, il n'a pu recevoir un accroissement de grâce. Note. On dira peut-être que, d'après Saint Luc 11, 52, l'enfant Jésus croissait en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. On progresse en sagesse et en grâce, premièrement, par l'accroissement même de la sagesse et de la grâce, et le Christ n'y progressait pas ainsi, secondement, quant aux effets visibles. Il progressait de cette seconde manière, en avançant en âge, il marquait plus de sagesse et de grâce dans les œuvres qu'il accomplissait, afin de se montrer vrai homme dans le culte de Dieu et dans ses rapports avec les hommes. Fin de la note. 13. Quel est le rapport de la grâce habituelle du Christ avec l'union? L'union de la nature humaine avec la personne divine a été antérieure à la grâce habituelle dans le Christ d'une priorité de raison, quoiqu'elle ne l'ait pas précédée d'une priorité de temps. En effet, le principe de l'union était la personne du Fils, qui prenait la nature humaine, et ce fut la présence de sa divinité qui produisit la grâce dans son humanité, comme le soleil produit la lumière dans l'air. La grâce habituelle se conçoit ainsi comme venant après l'union, ou, si l'on veut, comme accompagnant l'union, dont elle était un produit naturel. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.